Bonjour. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. I am your substitute host, Susan Budig, tonight, and I will be playing maybe different songs than you're used to, but hopefully keeping in the spirit of Bonjour, Minnesota. Our first song is coming up after this message. Haru harali haralo ha. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains. That delicious song was Malaman by San Severino. Next up, we have from the CD, it's a Smithsonian or Folkway CD, and it's Mademoiselle Voulez-vous danser? And you just might feel like getting out of your chair for this one. Mon père a fait bâtir maison, j'entends la moulin tague. La fait bâtir à trois pignons, tic-tic, tic-tac. J'entends la moulin, tic-tic-tic, j'entends la moulin tague. J'entends la moulin, tic-tic-tic, j'entends la moulin tague. Sans toi j'avantier qui la pend, j'entends la moulin tague. La plus jeune, c'est mon mignon. Tic-tic, tic-tac. J'entends la moulin, tic-tic-tic. J'entends la moulin, tac. J'entends la moulin, tic-tic-tic. J'entends la moulin, tac. Qu'apportes-tu, mon petit fripon? J'entends la moulin tac. C'est un pâté de trois pigeons. Tic-tic, tic-tac. J'entends la moulin tic-tic-tic. J'entends la moulin tac. J'entends la moulin tic-tic-tic. J'entends la moulin tac. S'asseyant, il fit un bon tic-tic, tic-tac. J'entends la moulin, tic-tic-tic. J'entends la moulin, tac. J'entends la moulin, tic-tic-tic. J'entends la moulin, tac. Qui pitra mes mères et poissons? J'entends la moulin, tac. Et les cailloux qui sont au vent, tic-tic, tic-tac. J'entends la moulin. J'entends la moulin tac. J'entends la moulin tic tic tic. J'entends la moulin tac. J'entends la moulin tic tic tic. J'entends la moulin tac. J'entends la moulin tic tic tic. J'entends la moulin tac. So were you dancing? I sure was. That song is by Nightingale, J'entends la moulin, and it's by Nightingale. It's a trio, a Vermont-based trio, and they take their music from Quebec, Newfoundland, Ireland, France, Scandinavia, and beyond that. In our first hour here, we will be looking at mostly music on the northern half of the hemisphere. And then we'll head south at 9 o'clock. So if you were dancing, keep standing, because I've got a really good one now. Okay, the next song, it's a hot song, you know. And it's called Le Rap at Spétang, you know, it's a kind of very Québécois rap, it's a very good song. C'est l'histoire d'un homme qui s'est fait brûler les ailes au jeu de l'amour. The story of a man whose wings were burned by the games of love. Oh oui, oh, prions la Madone. And we very appreciate for this song, for everybody stand up for this song, you know. Just for swing a little bit the body. And voir où c'est rendu votre patrimoine culturel. That's the time for the rapid spitting. Howie, howie, howie. Lucien s'est trouvé un mari, Lucien s'est trouvé un mari. Elle trouve il était trop petit. Oh, la petite pétanque. La pétouli-li, la pétouli-lo. La pétouli-li, la pétouli-lo. Elle le trouve il était trop petit. Elle le trouve il était trop petit. Dans son lit et le perdit. Oh, la petite pétanque. La pétouli-li, la pétouli-lo. La pétouli-li, la pétouli-lo. Que dans son lit et le perdit. Que dans son lit et le perdit. Brille une chandelle chez son mari. Oh, la petite pétanque. La pétouli-li, la pétouli-lo. La pétouli-li, la pétouli-lo. Chandelle chez son mari, pris une chandelle chez son mari. Le feu dans la panière s'offrit. Oh, la petite pétanque. La pétouli-li, la pétouli-lo. La pétouli-li, la pétouli-lo. Le feu dans la panière s'offrit. Le feu dans la panière s'offrit. Le trouva son mari rôti. Oh, la petite pétanque. La pétouli-li, la pétouli-lo. La pétouli-li, la pétouli-lo. I love that one. Whenever I play it at home, I want to play it again. I bet you do too, but we're not gonna. Sorry. I want to take a break in a minute here and listen to a couple messages, and then we'll be back to dance another number and then we'll sit down. But I do want to say that the song we just heard is by La Bottine Sirion, and they are a Canadian band. The song, however, was recorded just down the street at the Cedar Cultural Center, and it is on the Cedars album that they've got, Live at the Cedar Visionaries. Oh, the name of the song. I didn't want to get to the name of the song because I can't pronounce it. La Rap et Batang. The first ever Rock and Jock Expo Film Fest, sponsored by KFAI, will take place on Sunday, March 24th at the New Hope Cinema Grill. The event is free and open to the public and will include thousands of vinyl records, sports memorabilia, and apparel, as well as screenings of classic music and sports films. Film schedules for screening include the recent Replacements documentary, Color Me Obsessed, Purple Rain, Miracle, the story of the 1980 U.S. Olympic hockey team, and Slapshot. Doors open at 9 a.m. Up-to-date details can be found at www.rockandjockexpo.com. KFAI is starting a vehicle donation program. Several of you thoughtful listeners have asked about donating your car, boat, or motorcycle to benefit KFAI. To donate your vehicle, call 855-277-2346. Or go to kfai.org. KFAI, listener-supported radio. Totally, that one was by Charlotte Leslie singing Les Filles, C'est Fait. And it is from the album Pop et Paris, more rock and roll and miniskirts. Totally, I can hear that. I can see that. That was really jumping number. But now take a seat, and we're going to listen to Rokia Triori. She is, golly, I think Mali. She's from Mali in Africa. And the number we're going to hear is Zen. Thank you. courage de ne rien faire. Les heures sans heures ont glissé sur l'horizon, n'important que ce jour. J'ai eu le courage de ne rien faire. Zen, je suis zen. Que les ans passent, que le temps s'efface. Moi, ça y est, je m'en défais de ces heures gloutonnes qui me mangent tous les jours. Zen, je suis zen. Zen, oh que je suis zen. Je mange la vie et le vent, je danse sur les averses. Et le matin fatigué, je remplis les pommes de rosée. Thank you. Tibétain, Tibétain à cheveux rouges, Tibétain à cheveux bleus, dis bonsoir machin bébé. Tibétain, un cheveu rouge, Tibétain, un cheveu bleu, dis bonsoir ma chère bébé. Oh, yeah, yeah, depuis l'âge de 14 ans, j'avais roulé tout partout à chercher la bétaine. À ce moment, je suis grand et je suis braillé pour ma cadette. Oh yeah, yeah, je suis jonglée à la bétaille. That was Fiddler's Four performing La Bataille, which is Your Little Wild Thing. And Fiddler's Four is made up of Bruce Mulsky, Michael Doucet, Daryl Anger, and Rushad Eggleston. It's actually three fiddlers and a cellist. Rushad plays the cello. And we're going to have a couple messages. Then we'll keep playing music. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Do you like the promos you hear during KFAI programming? Ever wonder how they're made? Would you like to get involved? Join KFAI's Cart Crew in Studio One every Wednesday, 7 to 9 p.m., or on Saturdays, 3 to 5 p.m. For more information, please contact Program Director Miguel Vargas at miguelvargas@kfai.org or at 612-341-3144, extension 20. Mathieu, c'était sa manière de croire en Dieu. On aurait juré qu'il priait devant la télé lorsque Mireille Mathieu chantait. Ma grand-mère toujours se levait tôt, dès 6 heures elle était au fourneau. On aurait juré qu'elle cuisinait pour une armée sitôt que le réveil sonnait. Moi, j'étais au lit, dans la chambre du haut, réveillé par les bruits d'assiettes et les odeurs de veau. C'était la journée qui commençait, petit français. mon grand-père enfilait son paletot, chaussait ses pantoufles et ses sabots. Il s'était fait l'esclave de poules et de lapins. Il passait sa vie au jardin. Ma grand-mère attrapait des moineaux. Elle les assommait sur le bio. Puis les alignait dans son frigo pour les manger sans autre forme de procès. Moi j'étais assis devant la toile cirée, au milieu des vapeurs du chocolat et du civet. Il y avait des cloches qui sonnaient. Petit Français, petit Français. Les commerçants du bled passaient en camionnette. On les entendait klaxonner à plusieurs kilomètres. Le facteur apportait des lettres à la maison. Buvez donc un canon, où sont donc mes lunettes? Mon grand-père attrapait du poisson, préparait ses lignes et ses hameçons. Entre ses gros doigts, le fil de pêche était si fin qu'on aurait dit qu'il n'y avait rien. Ma grand-mère passait la serpillière. Elle disait, je vais laver mon parterre. On aurait juré qu'elle travaillait pour un musée, tant le sol brillait sous nos pieds. Et moi, je rêvassais dans l'odeur de Javel, au milieu d'un balai de seaux, de linge et de vaisselle. Ivre d'ennui et de propreté, petit Français. Mon grand-père aimait Mireille Mathieu. C'était sa manière de croire en Dieu. On aurait juré qu'il priait devant la télé pendant que ma grand-mère dormait. Et puis, c'était la fin des émissions. Les bons hommes volants signés Folon. Un bol de tilleul, allez, au lit, et puis plus rien, jusqu'au lendemain matin. Moi, les yeux grands ouverts, dormir, j'avais du mal, écoutant les autos qui filaient sur la nationale, découpant leurs phares dans les volets. Petit Français, petit Français. That was Polo with Petit Français, and that is from the Putumayo Kids Presents French Playground album. Coming up, I've got two numbers from the Gypsy Caravan. Is that? It's actually by Putumayo Presents Gypsy Caravan as well. And these are two numbers. The first is Coco Briaval, and he is singing Les Yeux Noirs. And the second is Terry Robin, Robin. He is singing L'Amour S'envole. Thank you. To play all of these wonderful French tunes I have, I realized I'm just barreling through this and I'm not really giving you very much information about the music I'm playing. This particular one is known in English as Dark Eyes, Les Yeux Noirs, and it's perhaps the best known of Russian gypsy songs. And it is a pure manouche, which is French gypsy, a pure manouche rendition of an old standard. Our next one is off the same album, Putumayo's Gypsy Caravan, by Terry Robin. Thank you. I have misled you. You know, back in the, 40 years ago or more, they had those cartoons and the villain was going to press the button and blow up everything, and at the very end, he presses the wrong button. Well, I just pressed the wrong button, too. And instead of playing Terry Rabon, I played Lolole Session. And that was not intended, but she was still good, and I enjoyed it. And I hope you did, too. So let me press the right button and play the song I meant to play. Qui te demande mon sang princesse comme la nuit. Ton amour est une fleur d'amande. Que ton âme soit blanche ou noire, elle me séduit. Ton amour est une fleur d'amande. Aïe aïe aïe. Connaît le cœur de l'homme. Le roi s'est trompé, le peuple a chaud. Le gitan connaît le cœur de l'homme. La plume dure plus longtemps que le marteau. Au cœur de la nuit, je m'abandonne. Aïe, aïe, aïe. Tes yeux, l'amour s'envole. Au fond de tes yeux, l'amour est nu. Le vin est levé, miroir de l'homme. Petite bouche de rose ouverte dans la nuit. Aïe, derrière tes yeux, l'amour s'envole. Aïe, aïe, aïe. Tu me comptes des montres. Ça casse mon cœur, cher petit. Chaque bris, c'est pas l'autre. La bonne amour est dur à trouver. Et j'ai trouvé dans la mauvaise mouillère. Tous les jours, c'est pas la même. Et où t'as été hier au soir, bon? Pas là que j'ai passé. consolation when you tell me lies. It breaks my heart, sugar babe. All that shines is not gold. Good love is hard to hold. And I found out in a worse way. Every day is not the same. So where were you last night, boy? Tell him, Carol Fran. That was Carol Fran singing Tous les jours, c'est pas le même. And that is off of the Our New Orleans or New Orleans album. And that she's our introduction to a little bit of some Cajun tunes. You might notice that I know a little more about Cajun than I do the French, actual From France tunes, as I'm a pretty big Cajun fan. Our next song is going to be from Beausoleil avec Michael Doucet, and I'll be playing La Belle du Bayou Teche. It's a beautiful waltz, and originally sung by Cheese Reed and accompanied by Yson Fontenot. Chérie, qui vient du Bayou Teche, chérie, je t'aime quand catin. Ta maman dit que t'es trop jeune. Et toi, tu te donnes là dans la maison. Copain, copain, bébé. Copain, copain, j'ai un catin. Yeah, that was Steve Riley and the Mamou Playboys. And you are listening to KFAI Fresh Air Radio, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. This is Bonjour, Minnesota. I am the sub, Susan Budig. You won't hear me again next week. You'll be back to your regular host. And I'm going to say just a little bit more about the song we just heard, which was Ardoine Medley. It was the Ardoine Medley. And I told you the band, but I've got one more coming up that is got a Cajun flavor, and then we are going to move over into Africa. Okay, I've got to tell on myself because earlier this week, somebody posted a question on Facebook and it said, what would you do if you weren't so afraid? And I thought to myself, what would I do? I know, I'd dance more wherever I wanted. I would speak French in public and not care how bad I flubbed up the words. And I would find a way to cut out, you know, the eye roll when people say things and you roll your eyes. Well, I do that sometimes. So I thought, I would do those things. Well, guess what? Then 2 days later, I get an offer to sub on the show and I find myself dancing in here and speaking French in public on the radio where everyone can hear me. So y'all can hear me flub up. And you know what else? You know that it's really not that bad. It's not that scary. And this is an independent public radio where other people like you could be a volunteer and you could actually sit in this seat and do what I'm doing. So that's my little plug for KFAI. It's a great radio station. We are next listening to Cirque du Soleil's, they aren't, Cirque du Soleil is not the people that produce this. They are entertainment, I don't know what you want to call them, but they are acrobats and performers. But this song is Sens-toi. And I will let you know who's performing it after we listen.

la la la la la. Oh la la la la la la. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh I, oh oh oh hey, yeah. Quoi de plus grand que ces instants suspendus où rien ne compte plus vraiment, rien de plus troublant. Une boulette, une bévue, une chute devant des inconnus, et hop, l'affaire est entendue. C'est mon moment de solitude, sur ma foi qu'une question d'habitude. Au début, les secondes se déguisent en heures, on a chaud et puis l'on sucette. In situ qu'on apprécie le mieux. Et hey, de l'art délicat de passer pour un con. Hey, l'art délicat de passer pour un con. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Oh, oh, oh, yeah. Une veste, un vent, appelez ça comme vous voudrez. Une claque ou que sais-je, un soufflet. Rien ne vaut ces parenthèses enchantées. Quand d'emblée le ridicule vous embrasse, que dans l'assemblée un ange passe. Un moment de solitude sur ma foi qu'une question d'habitude. Au début les secondes se déguisent en heures, on a chaud et puis l'on sucette. In situ qu'on apprécie le mieux. Et hey, le l'art délicat de passer pour un con. Ouais. Oh l'art délicat de passer pour un con. Du acculé prise au piège confondu. La la la la la la la, comme ça, aux yeux de tout ça diminue. Oh oh, c'est in situ qu'on apprécie le mieux. Oh, l'art délicat de passer pour un, l'art délicat de passer pour un. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Situ qu'on apprécie le mieux. Hey, hey, hey. L'art délicat de passer pour un con. Ouais. Oh, l'art délicat de passer pour un. Okay, I did get Tete to play, and that's who we just were listening to. Let's see. That song we heard was Ce Grand Moment de Solitude. Oulat délicate passé pour un con. So if somebody wants to call and tell me if I was even close to pronunciation, that'd be great. And he, Tete, he was here a couple of years at the Cedar. Well, I guess 3 years ago in March. And he put on a fabulous show. And he does hail from France, from Paris. Next, we're going to hear one more from Feifei. And this one is let's hear it. Je n'ai pas de route toute tracée, fais mon dièse, dièse, dièse. Jamais eu de capitaine, jamais suivi de troupeau, non. Quand les autres attendent à bouffer, je me sers, sers, sers. Pas de cantine, je n'ai pas d'école. Difficile pour moi de mentir, difficile pour moi de rester dans les ranges, je vais pas ramper pour être en règle. L'uniforme, moi, ça me bride, rien à faire, faire, faire. Naissant, j'ai toujours eu mes propres idées. On ne change pas. Un vilain petit canard. On ne change pas. Un vilain petit canard. J'en connais qui ont peur d'exister. Chez mes pères, pères, pères. Du coup, préfère se laisser guider. Je préfère me laisser perdre. Si jouer le jeu, c'est juste imiter. Alors je cherche, cherche, cherche. Mais j'ai toujours pas trouvé les codes. Difficile pour moi de mentir. Difficile pour moi de rester. Dans un camp, je fais pas la guerre, laissez-moi en paix. L'uniforme, moi, ça me bride. Rien à faire, faire, faire. Je suis naissant, j'ai toujours eu mes propres idées. Je change, je change de place. J'avance tête haute et j'en chie mon existence. Est trop courte pour en faire une pâle copie conforme. Alors j'enchaîne. Action. Parler dans les enceintes. Pour les tordus et les gens simples. Musique, mon amour, oui, je la nourris. Normal, je l'ai mise enceinte. Mon son, une tuerie là pour durer. A le goût du risque et loin du reste. Je veux assurer, pas devant un jury. Juste pour déchirer à ma façon. Je suis navré, cousin, CFO, Carena. Pas le même fuseau horaire. Or, tard ou en avance, je ne compte pas m'en excuser. J'en ai horreur. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks. Thanks for supporting community radio. Programming is being supported by Barbette, featuring their four-course prefix menu every Monday night. Barbette is open daily at 8 a.m. for brunch, lunch, dinner, and late night. Serving organic and sustainable ingredients whenever possible. More at barbette.com. All right, that song we just heard by Feifei, that was VPC. And next we have the song that we have next is by the Gangbae Brass Band. And what was, to me, interesting is that you don't expect to hear, they're from Benin, the country of Benin, and you didn't expect to hear brass. However, the French colonists, when they colonized the Western Africa, they brought the brass down there, and that became incorporated into their music. And let's hear what Gangbae Brass Band has. The number I'm playing is Nubioto. Thank you. zéro, eh. Odie mitombo wa zéro. Batole mitombo wa zéro, eh. Odie mitombo wa zéro. Ma force innée, pourtant j'aimerais tant dîner. Mais étant donné que la vie joue les têtes dures avec moi, y'a pas moyen, faut que je suis alors dans mes forts moyens. Pour moi y'a rien qui compte à part apaiser ma faim. Que mon fils grandisse si fier de moi et non de Lucifer. Pacte sel, car la vie est féroce. Abandonner sans le tété de nos aînés. On devient fêle, donner un pâture à ses arrêts. Obscure réalité, nos esprits sont enchaînés. On mord à l'hameçon, condamné à peiner. Sous nos pieds enfoncés, piège et obstacle. Le système développe tentation, ça et là. Satan nous guette. Si la vie n'est pas belle, la vie n'est pas belle. Quand je l'embellirai, mais comment? Par tous les moyens, jamais tu t'en sortiras. Je m'en sortirai, vivre amoura. Bouge dans le vent, cure promise. Souffle s'éteint, mon rêve en tant qu'élève. Et qu'un jour je m'élève, oh, tel que le soleil se lève. Pour que s'achève mes malaises. Mais hélas, la vie est un bateau qui navigue sur un océan de bonheur et de malheur. Je sais que demain se forge maintenant par des maintenantes. Mais avant faudra faire face à un passé trop néfaste. Il faut la magie de l'esquive. Le compteur est à zéro pour une vie exquise. Mais je n'ai qu'une seule vie, y a pas d'excuse. Tout le temps on s'en va, alors je reste sur mon qui-vive. La vie n'est pas belle, n'est pas la mienne. Envie de mourir, envie de vivre, oui. Envie de vivre jusqu'à la mort. Envie de faire couler mon caramel à fleur. peut le faire couler le miel. Si la vie n'est pas belle, la vie n'est pas belle, je l'embellirai. Mais comment? Par tous les moyens. Jamais tu t'en sortiras. Je m'en sortirai, vivre à mourra. I gotta live, I gotta die. I could have prepared you for that one. That was Daraji and Si la vie n'est pas belle. That band is from Senegal, and they still live in Senegal. But in fact, the band has gone belly up. They just couldn't make it. However, the two of them is brothers who are in the band have continued on under another name. We're going to go back to Paris. And we're going to listen to Stone performing L'Antique. J'ai dû fermer les yeux trop longtemps. Et j'ai dépassé le mur du temps. Je viens de faire un bond de 3000 ans. Je me retrouve dans un monde différent où la vie a changé d'aspect. Les humains se sont transformés. Ils sont bons, ils ressemblent à des dieux de l'Antiquité. Elles leur sont poussées dans le dos. Et dans leurs deux grands yeux étincelants, un triangle de feu brille intensément. L'architecture de la nature s'est trouvée dans ces données. Ils ne sont pas laids, ils sont bons comme les dieux de l'Antiquité. N'a survécu. Un coussin d'air plane à mi-hauteur qui vous emmène au bout du monde en un quart d'heure. Mais moi j'ai peur de ce progrès. Mon cerveau n'est pas habitué. Je ne suis pas semblable à un dieu de l'Antiquité. Now we're going to skip back. Oh, I didn't tell you. That is from the Pape Paris More Rock and Roll and Miniskirts compilation 2. Again, that was Stone singing La Antique. And now we're going to skip across the ocean back to Quebec and Canada. In parts of France, it was once the custom of the last day of the year for a group of revelers to visit each house in a neighborhood or community and ask for alms for the poor. The song that we're next going to hear is La Gula. This is a really hard one. Guloni, Guignolee. It has that accent on the E. And I'm so sorry that I can't pronounce that. But it is again from the Mademoiselle Voulez-vous danser, a Smithsonian Folkway recording. And these recordings are just wonderful. I played one earlier tonight, Jeton Le Moulin, and the crew that recorded them, they just went out into the communities, went to people's homes and their barn dances and places like that, and recorded them singing and playing right as it was happening. They didn't go to some fancy studio or anything like that. So I think I happen to love the CD and all of the music on it. And some of it's a little bit rough. You can hear talking in the background, chairs scraping and stuff like that, scraping on the floor. But it just makes it so much more authentic, and you feel more a part of it, as if you were there. So let's listen to this one. Bonjour la maître et la maîtresse et tout le monde de la maison. Bonjour la maître et la maîtresse et tout le monde de la maison. Pour le dernier jour de l'année, la guignolée vous nous devez. Pour le dernier jour de l'année, la guignolée vous nous devez. Si vous voulez rien nous donner, dites douler. On emmènera seulement la fille aînée. Si vous voulez rien nous donner, dites-nous les. On emmènera seulement la fille aînée. On lui fera faire bonne chère, on lui fera chauffer les pieds. On lui fera faire bonne chère, on vous fera chauffer les pieds. On vous demande seulement une chignée, de 20 à 30 pieds de long si vous voulez. On vous demande seulement une chignée, de 20 à 30 pieds de long si vous voulez. La guignolée, la guignoloche, mettez du lard dans nos poches. La guignolée, la guignoloche, mettez du lard dans nos poches. Quand nous fûmes au milieu du bois, nous fûmes à l'ombre. J'entendais chanter le coucou et la colombe. Quand nous fûmes au milieu du bois, nous fûmes à l'ombre. J'entendais chanter le coucou et la colombe. Rossignolet du vert bocage, rossignolet du bois joli. Rossignolet du vert bocage, rossignolet du bois joli. Et va-t'en dire à ma maîtresse que je me meurs pour ses beaux yeux. Et va-t'en dire à ma maîtresse que je me meurs pour ses beaux yeux. Toute fille qui n'a pas d'amant, comment vit-elle? Elle vit toujours en soupirant et toujours veille. Toute fille qui n'a pas d'amant, comment vit-elle? Elle vit toujours en soupirant et toujours veille. We're next going to listen to two in a row. The first one is by Georges Brassens, Je me suis fait tout petit. And then one directly after that will be Jane Birkin. And I have a little pronunciation guide in here from the French Café CD that it's off of. And she'll be singing Elle a eu dans la T-I-T-I-A. Thank you.

New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at phill@kfai.org. That's phill@kfai.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. Okay. Yeah, I was trying to plug the station before, saying how you could do this stuff too, and then we just heard it again. Our next song is actually going to be in English, but it is from the same. We've already heard them. Of course, now I've closed my CD, so I can't tell you the name. But we did hear them singing a French song in French, and they are from up in Canada, this is Chanterelle with Donna Hébert, José Vachon, Liza Constable, Alan Bradbury. And this song they're singing, it's just one of my favorites. I suppose I shouldn't be singing it, playing it so late at night, because it's definitely a good song that really gets you going. Both because the music is so compelling, and then what they're singing about is real hardship. It's called The Shuttle. That's the name of the song. And it's just about their life and how hard the lives were when they were working, and they had just emigrated from... It says they've immigrated from Trois-Rivières in Quebec to Franklin, New Hampshire, to work in the sock mill there. All my grandmother's family worked there, including her mother, two sisters, and a brother. And that was Donna Hébert who was writing that out. So let's listen to their song, The Shuttle, from the Smithsonian Folkways recordings. We left our home in Santa Bed to work the Amiski, Manchester, New Hampshire in 1883. My parents and my brothers all work the same as I. The spinning and the weaving, oh, we make the shuttles fly. Six days a week we rise at four to work our 16 hours. My mère and me are spinners inside that tall brick tower. Mon père, he's in the weaving room. Mes frères, they sweep the floor. We see them, but we cannot speak above the shuttle's roar. You'll find old ages in the mills, tite enfants, tes grands-pères. Their wages are a pittance, not enough to pay their share. All of us must labor here, or else we do not eat. Our home is in a tenement with no water and no Sundays a great silence reigns, so sweet our ears do ring. And to our God together we may raise a voice to sing. We rest so dear, so briefly, and visit where we may. For Monday morn will soon arrive, when the shuttle rules our day. My friend, she had an accident, three fingers she has lost. Another boy was crushed to death, and who counts the cost of health and youth? Spent quickly in thumping mills of brick and tin. How do we keep our sanity in the shuttle's hellish din? Oh, my friends and family in lovely Santa Fe, don't listen to recruiters when they ask to pay your fare. Remain at home, don't listen to their blandishments and lies. You'll end up a slave like me to the shuttle that never done. Isn't that fabulous? I love that song. I often play it in my car and I roll the windows down, play it really loud. It doesn't matter what the temperature is. I really like it. And we're going to end the evening with another Beau Soleil and Quel Espoir. It's been my pleasure. I'm Susan Budig, and next week I hope that your regular hosts are back for Bonjour Minnesota. C'est à dire quel espoir. J'ai essayé de rire, pousser, pas pleurer. Mais mon cœur a trop à dire quel espoir. Les rêves j'ai rêvé, c'est de toi. Dis-moi pourquoi donc ils n'ont pas vrai. J'ai besoin d'instinct plus que jamais avant. Mais t'as fermé la porte du ciel, quel espoir. Thank you. temps. Mais mon cœur a assez à dire que l'espoir. J'ai essayé de rire pour essayer pas pleurer. Mais mon cœur a trop à dire que l'espoir. Les rêves j'ai rêvé c'est de toi. Dis-moi pourquoi dans elle n'ont pas pris. J't'ai besoin d'instant plus que jamais avant. Mais t'as fermé les portes du ciel, quel espoir. Haru harali haralo e ha. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. I'm Nikolai and you're with Balkan Jamboree.